Ah, Marie-Claire, as-tu envoyé ton télégramme? Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu fais? As-tu téléphoné à Guy? Oui, Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que... Tu n'as pas téléphoné. Non. Comment non? Tu es ici depuis 5 minutes. J'ai téléphoné, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton. Mon Dieu. Eh bien, laisse, je vais téléphoner. Bon, voilà le téléphone. Mon Dieu, comme les femmes sont autoritaires. Alors, tu as téléphoné? Oui, mais le numéro est occupé. Tant pis. Je suis très en retard. Je me sauve. Au revoir. Au revoir. Hé, mange-t-on! Hé, Marie-Claire, mange-t-on! Mange-t-on! Ah, zut, zut et zut!